5. Forme du participe passé des verbes en IR, RE, OIR. Final du participe passé I. Choisir, choisi. Finir, fini. Partir, parti. Sortir, sorti. Final du participe passé U. Attendre, attendu. Boire, bu. Connaître, connu. Courir, couru. Devoir, dû. Entendre, entendu. Lire, lu. Perdre, perdu. Pleuvoir, plu. Pouvoir, pu. Recevoir, reçu. Répondre, répondu. Savoir, su. Tenir, tenu. Venir, venu. Vivre, vécu. Voir, vu. Vouloir, voulu. Final du participe passé IS. Apprendre, appris. Comprendre, compris. Mettre, mis. Prendre, pris. Final du participe passé IT. Conduire, conduit. Dire, dit. Écrire, écrit. Interdire, interdit. Final du participe passé, ERT. Découvrir, découvert. Offrir, offert. Ouvrir, ouvert. Souffrir, souffert. Forme particulière de participe passé. Avoir, eu. Être, été. Faire, fait. Mourir, mort.